mes souvenirs avec la cuisine, c'est très. Bon, quand j'étais enfant, j'avais 4 ou 5 ans. C'était dans les mois de Ramadan. Les voisins, c'est-à-dire ma famille, c'était le Ramadan, on mangeait pas. Donc ils étaient intéressés de voir mon avis sur ce qu'ils préparent. Ah, Si, d'accord. voilà, s'il est ça, beaucoup salé, Salé, si, voilà. sucré, il Donc était jeune. je goûtais et puis j'étais jamais objectif. C'est-à-dire quand je goûtais, j'imaginais, je dirais des choses. Par exemple, imaginez quoi. Je dis que qu'il faut que c'est trop salé. C'était un jeu alors. Donc, je m'amusais à vrai dire. Mais eux, ils ont pris ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire, ah bon, c'est. Et puis, j'ai eu une réputation, une très bonne réputation, comme un connaisseur. Mais moi, j'ai dégusté. C'est-à-dire, quand je déguste, je prends mon temps. Je prends mon temps à réfléchir. C'est-à-dire, Quels je sont sais les plats pas. qui t'ont resté dans la mémoire et que tu as vraiment aimé? Bon, le plat qui m'a marqué vraiment, c'est le brûlé, si vous. Barrel? Voilà, il fait avec du miel. D'accord. C'est quoi Voilà. exactement le barrel? Moi, je connais pas. Bon, c'est des pâtes. Il est sucré. Il se met à une sauce de. Voilà. Donc, mon expérience était. C'est la première fois que j'ai fait le carême. On dit le cas. Ouais, carrément. Donc la première fois que j'ai fait, j'ai passé, j'avais peut-être 6 ans, j'avais très très faim. Voilà, moi et mon frère. Mon frère, il a mangé en cachette. Moi, C'était Ramadan. je voulais pas manger en cachette. Je m'attendais l'appel du prière pour manger. Et puis c'était voilà, en fait, j'attendais. Et puis, ils m'ont fait un plaisir et ils m'ont préparé du brûlé. Ta mère, elle n'a pas découvert. Non, c'est pas moi Ah, qui ai mangé, c'était mon apparemment ton frère. frère. C'est pas. Non, personne. Ah, Personne. non, c'est toi. Même, j'ai pas dévoilé moi. Maintenant, je peux savoir Et du votre coup, mais âge. Attendez, racontez je alors veux. que j'en ai marre. Au moment où tu as fini de raconter ton histoire, alors. Voilà, donc j'avais tellement faim, j'attendais tellement l'appel de la prière. Et puis, ils m'ont fait du brûlé. C'était une récompense? Voilà, comme une récompense. J'attendais. Puis, quand j'écoutais l'appel du prière, Manger. voilà, j'ai mangé. Et puis, j'étais très déçu, j'étais angoissé. Parce que j'avais plus faim. J'ai pensé que je vais manger pendant 2-3 heures. Donc j'ai mangé pendant 3-4 minutes et là je sens plus faim et j'étais angoissé, mais c'est quoi? Mais alors, J'ai presque pleuré. tu as mangé que du baril, c'était le plus J'ai bon. mangé quelques tranches de brûlé et puis. Mais il faut voir que c'est costaud quand même, le baril. Oui, Alors c'est costaud. c'était très bon, mais je me souviens pas que c'était très bon, je me souviens juste que j'avais plus faim. Et maintenant,